Tu pa na kwa ti mwen kou kwen mwen mwen, ou si se kou ba ou ka be kote. Le fwe ou pale bay, j'ai rien fait de mal. Ou pale, j'ai rien fait de mal. Ou pale pale bay, j'ai rien fait de mal. Pe bon jang le fwe ou pale bay, j'ai rien fait de mal. Pe bon jang le fwe ou pale bay, j'ai rien fait de mal. La bonne mang le fwe ou pale bay, j'ai rien fait de mal. Tambouillez le va au palais bail. J'ai rien fait de mal. Tambouillez le va au palais bail. J'ai rien fait de mal. Tambouillez le va au palais bail. J'ai rien fait de mal. Tout va n'en pas dire, moi, vous m'aimez, moi aussi, j'ai gros bas, café, couti, rouille, le va au palais bail. J'ai rien fait de mal. Aïe, le va au poche bail. J'ai rien fait de mal. Tambouillez le va au palais. Million.